Président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté. Il y a une conférence de presse aujourd'hui à Saint-Félicien pour parler un peu des régates. Salut, Régent. Bonjour, Danny. Régent, ça a duré une demi-heure, la conférence de presse. Tu as parlé une demi-heure. Il y avait beaucoup de nouveautés. Il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de nouveautés cette année. Mon cerveau a germé, ouais, comme on dit. Puis oui, j'ai brassé des idées, des rêves un petit peu qu'on mettait depuis quelques années, qu'on tentait de mettre en place avec la HRL. Et puis, étant reconnu sur la personnalité, je pense que ça a ouvert quelques portes auprès de la HRL, puis ça a ouvert aussi l'oreille auprès du comité que tous les directeurs sont d'accord à faire quelque chose de plus pour propulser à un autre niveau les régates, propulser l'activité au même niveau que d'être connu comme le spectacle de l'année, pas juste la personnalité de l'année. Là, on a le site, on a tout ce qu'il faut, on se l'est fait dire en plus, donc faut que les babines suivent les bottines et puis qu'on offre quelque chose d'un petit peu plus dynamique. C'est quand même une région éloignée. On dit une région éloignée. Est-ce que ça vous nuit, ça? On a notre monde, on a notre bassin de population, ouais, qui est déjà quand même nombreux. Fait que d'avoir une bonne participation, puis on le sait, cette année, on l'a dit qu'on était un peu la seule activité à cette date-là. Donc, si on avait, exemple, 20 % de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui participerait, ça serait énorme. Mais que, puis, on attire les gens de l'extérieur. Cette renommée-là qu'on a eue cette année, le circuit HRL qui se déplace d'un endroit à l'autre avec des équipes, des familles, des coureurs, des mécaniciens, puis tout, ben ça amène du monde. Et puis, ça les amène chez nous. Puis, il y a ce bassin-là aussi. Beaucoup de gens qui veulent aller voir les courses à Saint-Félicien parce qu'à Valleyfield, ils l'entendent parler. Puis, Y a-t-il une étude qui a été faite sur les gens qui sont vos clients des régates? Qui vient aux régates de Saint-Félicien? Y a-t-il une étude de fait là-dessus? Ou sinon, ben, ça serait peut-être bon à faire, là. Ça va devenir en chiffre plus officiel, mais moi, je reçois les téléphones, les demandes et quoi de même. Il y a beaucoup de gens extérieurs qui viennent nous voir. J'ai oublié d'en parler. J'ai eu juste, ouais, une demi-heure un matin. Mais cette année, on a Camping Caravaning Saguenay qui vient, ouais, s'établir avec nous autres. Donc ça amène une clientèle du Saguenay qui va venir. Non, ici, mais monsieur, je te parle, moi, Les amateurs de course qui suivent la HRL, c'est déjà quelqu'un, okay, là, qui se déplace comme aller suivre les gens d'ici qui vont voir la Formule 1 à Montréal. On a un petit peu le même phénomène, ouais, avec les gens d'extérieur. Les gens qui demeurent sur le bord des rivières puis qui en font un party familial ou des amis, on voit des attroupements de 200-300 personnes par terrain, sur plusieurs terrains. Et puis la population en général là, qui sont amateurs de beau temps. Surtout, le beau temps vient nous aider énormément. Quand il fait beau, aller s'asseoir sur le bord de l'eau puis avoir un pareil spectacle d'envergure internationale, ben c'est quand même des bons atouts. Donc, c'est ça. OK. Donc, maintenant, si on parlait un peu des nouveautés, ce qui concerne aussi au niveau financement, c'est le nerf de la guerre. Pas, oui, de président d'honneur cette année. Vous avez, c'est un comité plus. C'est-tu un risque? Je crois que c'est... on appréciait le travail des présidents, ouais, des années à venir, mais on sait, d'une campagne à l'autre, d'une ville à l'autre, c'est un petit peu répétitif. On pige dans le même panier des gens qui sont prêts à faire ce travail-là de président. Mais d'avoir beaucoup de personnes de plus dans des différentes sphères, on l'a vu, on parle d'avocats, des gens des banques, de la caisse, des choses un petit peu partout, des gens dynamiques qui ont leur bassin de connaissances, puis que ça l'a presque doublé. Ça l'a plus que doublé, le comité, avec des nouvelles personnes comme ça, de ce qu'on a cette année pour solliciter les gens. C'est sûr qu'on parle de la même liste, mais ça allège le travail de chacun, ou ça augmente un petit peu le travail fait auprès des partenaires financiers. Au niveau de la compétition maintenant, je pense que vous êtes rendu pas mal à la limite de ce que vous pouvez atteindre, hein? Oui, au niveau des bateaux, sur la classe HRL, chacun des coureurs tente d'être ici à Saint-Félicien puis de vraiment primer cet endroit pour venir se produire en spectacle. Oui. OK. Du côté des spectacles maintenant? Spectacle, on a rehaussé la coche cette année. Si on voit, on le prend, le groupe Mordicus, on le sait. Il y a notre chanteur qui a fait partie à La Voix. C'est un groupe qui est montant, qui est de plus en demande. Donc, ça devrait nous donner quelque chose de bien. Ça répond aussi à pas mal de groupes d'âge. Et puis, le samedi, l'autre groupe qui va brasser un petit peu style rétro, mais très vivant, avec du AC/DC, puis un petit peu tout du rock progressif, des choses comme ça, mais des années antérieures. Ça devrait, comme on dit, ça, avoir évolué, à comparer des 13 années d'avant, pour offrir encore un spectacle un petit peu amélioré. Il y a beaucoup d'efforts, mais par contre, tout est tributaire au temps, à la température. Absolument. On l'a vu l'an passé. Ouais. On avait une belle exposition au centre-ville, une soirée performance qui donnait quelque chose de très, très bien. Puis, fiasco total de température, on a tout perdu. Puis, les seuls gens qu'on a vus sur le boulevard, c'était ceux qui retiraient leur exposition. Jean Côté, un gros merci, puis on se reparle durant les régates. À bientôt et avec le soleil. Le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté.